bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Françoise Sagan était-elle une adolescente quand elle publie son premier roman en 1954? Alors, sans doute oui. En tout cas, elle était mineure, hein, car elle n'a que 18 ans quand la majorité est encore fixée à 21 ans. Ce roman s'intitule Bonjour Tristesse, un roman dans lequel la jeune héroïne, Céline, n'a que 17 ans. Ah ouais, oui, passe ton bac. Et puis il y a Anne aussi, mais elle, c'est une femme qui prend Céline sous sa coupe. Dans la division classique des âges de la vie, issue du Moyen-Âge, l'existence d'un être humain est découpée en tranches. Bah, la petite enfance, hein, jusqu'à 7 ans, puis la puéritia de 7 à 12 ans. Alors pour les filles, pour les garçons, ça dure un peu plus. Et puis l'adolescence, c'est la jeunesse jusqu'à 21 ans. Et enfin l'âge adulte. Dans Bonjour Tristesse, Françoise Sagan écrit « Elle avait dû être une petite fille, un peu secrète, puis une adolescente, puis une femme. » A remarquer que le seul âge qui bénéficie d'un qualificatif est celui de la petite fille. Elle est secrète. Pour la femme, rien n'est dit. Oh, la norme voudrait qu'elle soit une femme épanouie. Et pour l'adolescente, eh bien, le cliché veut qu'elle soit rebelle. Bonjour Tristesse. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, femmes révoltées, une histoire à réinventer. Mais oui, où sont passées nos héroïnes, celles qui combattent par la plume, par la parole, par les actes, par les armes? Nous allons aujourd'hui évoquer ces insolentes adolescentes, après avoir évoqué celles qui combattent par la plume, ces voix féminines, après avoir évoqué celles qui combattent par les armes, celles qui ont rejoint De Gaulle, des émissions à réécouter en ligne sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast, c'est la balado-diffusion. Vous pouvez les commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Alors aujourd'hui, insolentes adolescentes. Avec vous, Frédéric Lavignette, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste. Vous avez écrit plusieurs ouvrages autour d'affaires. Vous prenez le fait divers qui devient fait historique. Alors il y a eu la bande à Bonneau, il y a eu l'affaire Liabeuf. Et puis en ce moment, il y a Germaine Berton, une anarchiste qui passe à l'action. C'est aux éditions de l'Échappée. Frédéric Lavignette, juste vous pouvez nous rappeler, vous expliquer d'ailleurs le procédé que vous utilisez pour présenter ces affaires. Pour présenter ces affaires, je m'efforce de rester dans la voie originale, à savoir, je puise dans les journaux de l'époque. De telle sorte que je réalise une grande revue de presse et aussi je fouille les cartons des archives de la police, des archives nationales pour extraire donc la voie la plus proche de l'événement pour éviter certaines interprétations et me rapporter à des travaux de troisième main. Voilà, donc il y a un retour aux sources évident et notamment aux sources de la presse qui donne en fait un récit assez particulier et très étonnant parce que l'on est plongé dans l'événement lui-même et vous allez nous parler de Germaine Berton, un personnage incroyable qui en 1923 a tué une des figures de l'action française, mais notre regard sur ces adolescentes rebelles va s'étendre en partant des années 1920 et pour aller plus loin dans le XXe siècle, avec vous Véronique Blanchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, vous êtes l'auteur de Vagabondes, voleuses, vicieuses, adolescentes sous contrôle de la libération à la libération sexuelle. Donc un jeu de mots, c'est issu de votre thèse, hein, c'est bien ça? Exactement, c'est le travail de thèse que j'ai réalisé à l'université de Poitiers et qui est aujourd'hui un livre. Et dites-nous, la démarche également est d'aller, bon c'est normal hein, pour faire de la recherche en histoire, vers les sources, vers les archives, quelles ont étaient vos sources, Véronique Blanchard? Alors, j'ai travaillé sur des sources merveilleuses, assez uniques, qui sont les dossiers judiciaires du tribunal pour enfants de la Seine. C'est des dossiers qui regorgent d'informations, puisque c'est tout le suivi des magistrats de la jeunesse autour des jeunes qu'ils ont en charge. Et c'est des archives qui sont absolument pas administratives et où on entend la voix des jeunes filles. Et c'est une des particularités de mon travail, c'est que j'ai essayé, autant faire se peut, qu'on puisse entendre de manière très brute, très originale, la voix de ces jeunes filles présentées au tribunal pour enfants de la Seine entre les années 45 et les années 60. Avec, vous devez, Frédéric Lavignette et Véronique Blanchard, nous touchons à ce qui est difficile à atteindre, c'est la parole de celles qui ont vécu. Alors l'adolescence, en l'occurrence, ce que nous allons voir à travers vous, est toujours cette parole en marge au moment du problème, du procès, au moment de la fugue, du vol. Et c'est intéressant de voir enfin que l'on peut toucher cette parole et surtout le regard que porte la société sur ces jeunes filles qui construit évidemment le genre et les inégalités. Mais pour le moment, je vous propose d'aller à la rencontre de quatre barbus. Enfin, pas n'importe lesquels, vu que ce sont les quatre barbus qui reprennent une chanson de 1901, une chanson du début du XXe siècle, une chanson, voire un hymne. C'est le triomphe de l'anarchie, écrite par le parolier anarchiste, évidemment, Charles Davray. Tous les élus foulés à la potence, lorsque l'on souffre, on doit pouvoir châtier. Leurs électeurs, foyeux-les d'importance, envers aucun, il ne faut de pitié. Que la nitro, comme la dynamite, soit là pendant qu'on discute raison. S'il est besoin, renversons la marmite, mais de nos mots, hâtons la guérison. De vos compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Le triomphe de l'anarchie, dont les paroles ont été écrites par Charles Davray, c'est une chanson de 1901. Et l'année suivante, en 1902, naît une jeune fille, Germaine Berton. Dites-nous, Frédéric Lavignette, cette chanson, elle la connaissait, bien sûr. Elle a baigné sa jeunesse et son enfance. Oui, exactement. Elle la connaissait, d'autant qu'elle connaissait Charles Davray de près. Elle était proche de lui. D'ailleurs, c'était une âme charitable qui n'a pas hésité à ouvrir sa porte pour l'héberger lorsqu'elle avait des difficultés, Dieu sait si elle en avait. Charles Davray tenait un cabaret au pied de Montmartre qui s'appelait le Grenier de Gringoire, où défilaient tous les représentants, tous les chansonniers de la chanson révolutionnaire, spécifiquement anarchiste. Et comme elle était en difficulté d'emploi, un jour, il lui propose d'ailleurs de faire une audition. Et comme, dit-il, elle avait une voix fluette, il l'avait engagée, mais celle-ci jamais ne s'est présentée finalement aux prestations qui lui avaient été proposées. Donc, bon. Voilà, c'était une jeune fille, cette Germaine Berton, du début du XXe siècle, un petit peu en marge. Nous sommes avec quelqu'un qui est dans un choix politique radical, qui est celui de l'anarchie, mais l'anarchie du début du XXe siècle est quelque chose d'extrêmement présent dans le champ politique. Mais d'où vient-elle, cette jeune femme ? Alors, elle est née donc en 1902, comme vous l'avez dit, à Puteaux, donc en région parisienne. Elle est la fille d'un mécanicien et d'une institutrice. Elle a de très très bonnes relations avec son père, qui est plutôt complice avec elle. Ce père est socialiste, libre penseur, franc-maçon. Et cette complicité avec elle se manifeste assez régulièrement, puisqu'il l'emmène sur ses épaules voir Jean Jaurès discourir dans les meetings, que ce soit au Pré Saint-Gervais ou à côté. Et le problème, c'est que par manque de travail, le père est obligé de déménager à Tours. Ce qui se passe lorsque Germaine Berton a 10 ans, donc toute la petite famille se déplace dans la région tourangelle. Et lorsque ils s'installent là-bas, bon, ils vivent une vie très correcte. Germaine Berton suit des études elle-même correctes. Et lorsqu'elle a 17 ans, elle perd son père. Et là, c'est une sorte de fracture affective qui se passe chez elle, vu la complicité et l'estime qui se portaient l'un l'autre. Elle était autant aimée qu'il l'aimait. Et là, avec cette fracture, on va sentir un début d'évolution. Plusieurs paliers vont se succéder qui font que Germaine Berton va évoluer vers le militantisme politique et spécifiquement anarchiste. Cela dit, elle va passer avant par des étapes successives. Elle va expérimenter ce qu'est le communisme. Elle va aussi tâter, entre guillemets, juste par observation, ce qu'est le royalisme. Et finalement, retrouver une certaine famille auprès des anarchistes. Ensuite, il y a eu un deuxième palier, c'est que lorsque ce père meurt, poussé par sa mère et sa tante, chez qui les deux femmes sont obligées d'aller vivre, hein, toujours à Tours, elle va être encouragée à travailler, ce qui va un peu la réfréner, un peu la dégoûter. Et les relations, comme elles étaient assez distendues entre les deux femmes, vont totalement se dégrader. Selon les témoins qui ont été interviewés par la police, des insultes et des violences même physiques vont fuser entre elles. Et là, cette fois-ci, Germaine Berton prend le parti de fuir et le cercle familial et de rompre aussi avec sa scolarité. Et de là, donc, elle va s'orienter vers... elle va trouver un hébergement grâce à une femme tourangelle qui va l'héberger. Et elle va être réellement contrainte de travailler. Elle va découvrir le monde professionnel et ses travers. Et donc, qui dit ses travers, elle va commencer à militer dans les syndicats. Et à partir de là, va s'affirmer son sens politique. Voilà, ce qui n'est pas un travers en soi, mais en l'occurrence, dans la société du début du XXe siècle, baignée d'anarchisme, il y a quelque chose qui va poser problème avec cette jeune femme qui est en rupture. Je me tourne vers vous, Véronique Blanchard. Vous avez étudié les vagabondes voleuses et vicieuses, ça c'est le titre de votre livre, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui est constant. C'est cette image de la jeune fille en rupture de société. Oui, ce qu'on vient d'entendre est très intéressant et revient très fort aussi dans les années 50 et 60. En fait, Germaine, à 17 ans, si elle part de chez elle, elle va être considérée par la justice de l'époque comme une vagabonde. Et jusqu'en 1935, le vagabondage, c'est un délit. Donc si elle est arrêtée, elle est déjà une délinquante. Tout simplement parce qu'elle n'est plus à la maison et que la justice va être très sensible à cette mobilité des jeunes filles. Alors en plus, elle travaille, ce qui est quand même pas toujours extrêmement bien vu, sauf dans les milieux plus populaires où c'est une nécessité. Oui, donc il y a une très forte récurrence dans le regard que la société porte sur les jeunes filles, sur leur indépendance, sur leur liberté et sur leur mobilité. C'est quelque chose qui déjà très vite peut les qualifier, avec plein de guillemets, de mauvaises filles. Et puis, il faut rappeler qu'elle est mineure, hein, parce que la majorité, c'est 21 ans. Donc déjà, c'est une jeune fille, ça pose problème. Elle est vagabonde, c'est un autre problème. Elle milite politiquement, ça en fait encore un. Il y a beaucoup de soucis. Oui, elle est doublement mineure. Elle est mineure à 17 ans pénalement. Donc, et elle est mineure civilement. Donc elle est femme, donc mineure aussi. Donc elle est très très mineure. Elle est très très mineure. Et pourtant, elle est extrêmement c'est rare qu'une figure hein, comme ça, assez politisée, aussi jeune, c'est rare aussi cette complicité entre un père et une fille qu'on peut voir dans les archives et les documents. Donc c'est une personnalité très originale. Nous avons une jeune fille qui est en rupture de famille. Nous savons bien que le statut des femmes oblige à être toujours sous la tutelle du mari ou du père. Dans le cas d'une jeune fille comme Germaine Berton, qui se trouve toute seule, vous évoquez, Véronique Blanchard, qu'elle est doublement mineure. De qui doit-elle dépendre, en fait? Comment la société voudrait qu'elle agisse? Alors, de qui doit-elle dépendre? Je ne sais pas si c'est la question, c'est dans ce format-là qu'il faut poser la question. En tout cas, elle n'aimerait dépendre de personne. Elle a une volonté d'indépendance forte. Elle va se trouver, vous l'avez très bien dit, une nouvelle famille, un nouveau cercle amical et politique, ce qui est quand même aussi assez rare. La société a beaucoup de mal avec cette idée-là. Elle a beaucoup de mal avec cette idée-là dans les années 30, mais elle aura aussi beaucoup de mal avec cette idée-là dans les années 40, 50 et 60. C'est-à-dire, je pourrais retourner votre question, il est quasiment impensable qu'une jeune fille de 17, 18, 19 ans puisse imaginer être indépendante, gagner sa vie, ne pas reverser son salaire à sa famille, même sa famille élargie, se mouvoir dans des cercles masculins, avoir un avis politique. Voilà, ça c'est quelque chose que la société a beaucoup de mal à accepter dans les années 30, mais aussi dans les années 50 et 60, surtout quand il s'agit de jeunes adolescentes ou de très jeunes filles. Frédéric Lavignette, Germaine Berton, Berton se fait remarquer non pas par son mode de vie alternatif qui ne convient pas à cette société très masculine, non, elle explose à la une de la presse en 1923. Vous pouvez nous rappeler ce fait divers ? Ce fait divers se passe à Paris le 22 janvier 1923. Elle se rend ce jour-là dans les locaux de l'Action française qui se trouve rue de Rome, donc non loin de la gare Saint-Lazare. Elle demande un entretien avec un certain Marius Plateau qu'elle ne connaît pas. Et elle a, paraît-il, des révélations à lui faire. Et ces révélations sont en l'occurrence que dans les caves du journal Le Libertaire, il y aurait des grenades et des mitrailleuses que les anarchistes comptent utiliser pour envahir les locaux de l'Action française pour désinguer tout le personnel qui s'y trouve. Voilà, donc l'Action française, nous sommes avec des royalistes, des nationalistes exacerbés, et bien sûr ils vont être intéressés de se dire que leur ennemi absolu, les anarchistes, prévoit quelque chose contre eux. Oui, alors ils vont être un peu sceptique de voir cette femme qui elle-même se réclame, elle ne le cache pas, elle se réclame de l'anarchie, mais se trouve un peu étonné de voir de telles révélations spontanées. Mais bon, ce fameux Marius Plateau, qui, même si elle ne le connaît pas, est un personnage très important dans l'organigramme de l'Action française, c'est le secrétaire général de la Ligue d'Action française, donc la Ligue d'Action française, c'est la structure dominante hein, de l'organigramme royaliste hein, qui veut reprôner la restauration du royaume en France via le duc d'Orléans. Lui-même va être un peu goguenard en écoutant toutes ces révélations, mais bon, au moment où l'entretien se termine, Germaine Berton, alors que Marius Plateau se lève, se dirige vers la porte pour l'accompagner vers la sortie, elle sort son Browning 6.35 et lui tire plusieurs balles dans le dos, et puis le retourne ce revolver vers elle dans le but de se suicider. Évidemment, heureusement pour elle ou malheureusement pour les royalistes, l'arme se déclenche mal, la balle ne n'atteint pas le cœur et donc elle survit à ses blessures. Et à partir de là va commencer donc l'enquête judiciaire et tout ce procès toute cette affaire qui va durer une année, toute l'année 1923. Voilà, c'est l'année 1923 avec des tensions. Hein. Nous sommes après la Première Guerre mondiale. Il y a vraiment la figure de l'ancien combattant. Les mouvements nationalistes sont très très forts. Et puis il y a des mouvements parce que nous sommes en 1923. Il y a des structurations politiques et Germaine Berton décide d'agir. C'est très difficile de demander ça, mais vous avez lu tous les comptes rendus autour de ce procès. La question qui se pose, c'est pourquoi elle décide-t-elle d'agir ? C'était une demande, et non, on le sait bien, c'est plutôt un mouvement volontaire d'elle-même, personnel. Alors, elle décide non pas de tuer Marius Plateau, qu'elle ne connaît pas, comme je l'ai dit, mais Léon Daudet, parce que Léon Daudet, c'est une figure, c'est un polémiste évidemment bien connu à cette époque-là, depuis en tout cas la création du journal L'Action française en tant que quotidien, à savoir en 1908, et il est aux côtés de Charles Maurras, le co-directeur du quotidien. Alors Léon Daudet, vous avez dit royaliste, évidemment, catholique, quoique un peu discuté par l'Église, antisémite, il est surtout militariste. Et il encourage, à cette époque-là, il encourage l'invasion, l'occupation de la Roure, qui a été décidée par le chef du Conseil, qui est Raymond Poincaré, à cette époque-là. Et ce crime qu'elle commet, elle commet ce crime et 10 jours avant, l'occupation de la Roure est entamée par le chef du gouvernement. Alors elle, qui est antimilitariste, se refusait à voir un tel procédé, comme beaucoup d'anarchistes, beaucoup de communistes, qui redoutaient d'une part que la guerre reparte, que cette réquisition de charbon, de houille, etc., qui devait être faite dans la région, coûte plus cher qu'elle ne rapporte. Et ensuite, au nom de la solidarité prolétarienne, les communistes et les anarchistes se refusaient de voir qu'on dépouille finalement des prolétaires, fût-il allemand, et tout ça pour satisfaire les capitalistes français. Voilà. Frédéric Lavignette, dans ce procès de 1923, le procès de Germaine Berton qui a tué un représentant majeur de l'Action française, des Camelots du Roi, il y a plusieurs lectures à voir. Il y a celle du fait divers qui nous intéresse toujours. Il y a l'action politique, bien sûr. Nous l'avons dans un contexte que vous avez rappelé, Frédéric Lavignette, c'est-à-dire que la France envahit la Ruhr. En fait, elle veut récupérer ce que l'Allemagne lui doit en indemnité de guerre. Et puis, il y a une autre lecture à voir de tout cela. C'est le regard qui est porté sur cette jeune femme. Elle a 20 ans, donc elle est mineure, Germaine Berton. Nous allons écouter Mélodie Auru qui nous lit un extrait du journal L'Action française du 19 décembre 1923 pendant le procès de Germaine Berton. La Vierge Noire avait cherché pour l'audience à se rajeunir, à paraître petite fille. Mais sous les cheveux à la Ninon, le phare et le col n'avaient pu que souligner à travers son visage les marques précoces du vice. Écoutez-la. Sèche, froide, fausse, elle manie sans amour, sans enthousiasme les grands mots dont elle fait ses excuses. Individualisme, anarchie. Qu'y a-t-il au fond d'une si pauvre chose ? Une immense vanité d'abord. Je revendique même mes faiblesses, a-t-elle dit hier. Vanité de ce qu'elle croit être ses idées et qui ne sont que ses instincts déchaînés, vêtus des réminiscences de tristes lectures. Vanité d'avoir osé, vanité d'être anormale et monstrueuse. Mais surtout, et ici 20 témoignages concordent, une paresse crasse. Une paresse qui explique les vols, la mendicité, les indélicatesses de toutes sortes, l'oubli de toute pudeur. Paresse qui semble lui avoir interdit l'amour. Les débauches de cette fille n'ont été que des coucheries que nul effort de cœur ou d'esprit n'essayait d'embellir. Tout cela se traduit par une extraordinaire aptitude au mensonge. À chaque instant, elle joue un rôle. On sent que sa vie s'est passée à jouer des rôles, à tromper les autres et d'abord elle-même sur sa misère intime, à donner les noms d'héroïsme, de sacrifice aux plus tristes lâchetés. Mélodie Auru qui nous lisait un article de l'Action française du 19 décembre 1923 à propos du procès de Germaine Berton. Une anarchiste passe à l'action, ça c'est le titre de votre ouvrage, Frédéric Lavignette. Mais pour nous parler de ce procès que vous connaissez si bien et dont on vient d'entendre un extrait, je me tourne vers vous, Véronique Blanchard, parce que vous avez étudié les adolescentes des années 50-60. On retrouve en fait dans ce que dit l'Action française... Exactement ce que vous croisez sans cesse, le vocabulaire est là, coucherie, paresse, vanité, vice. C'est fantastique, hein, cette archive est merveilleuse. Elle est extrêmement représentative de l'image qu'on peut avoir dans la société française des années 30 jusqu'aux années 60-70, de la jeune fille déviante, délinquante et là criminelle. Hein, donc c'est encore plus monstrueux pour l'opinion publique, pour les médias, pour la justice. Une femme qui passe à l'acte, hein, qui là en plus va tuer un homme politique, c'est absolument dans la sphère de l'anormalité, dans l'affaire du monstrueux. Et ensuite, on a tous les qualificatifs autour de ce qui désigne la jeune fille déviante, mauvaise, hors norme. On a tout, hein, le vice, la paresse, la non-pudeur, elle est monstrueuse, elle est débauchée, elle est mythomane, bien sûr, elle ment beaucoup. C'est tous des éléments qui sont en place dès le 19e siècle pour essayer d'expliquer que, certes, les hommes criminels, c'est compliqué dans une société, mais alors les femmes criminelles, c'est totalement impensable, c'est contre nature. Une femme, par nature, se doit d'être douce, agréable, calme. Et si elle sort de ce rôle-là, de cette place qu'on lui donne, de loi blanche, alors on est du côté de la monstruosité. Et on ne peut pas expliquer le crime féminin en dehors de cette anormalité du sexe faible qui se rebelle. Et là, on a vraiment dans un un article de presse, tous les éléments qu'on va retrouver ensuite de manière plus éparse peut-être pour beaucoup des jeunes filles dont j'ai à étudier les trajectoires. Oui, voilà, vous les avez étudiées, Véronique Blanchard, pour les années 1950, 1960, jusqu'aux années 70 en fait. Mais les gens qui, dans ces années d'après Seconde Guerre mondiale, portent un regard sur les jeunes filles sont issus en fait de cet univers-là. Les idées restent les mêmes en fait. Oui, et puis eux-mêmes sont issus de la génération d'avant et c'est quelque chose que notre société porte depuis encore plus longtemps. Et on peut se référer aussi au travail remarquable de Mona Chollet sur les sorcières. Voilà, il y a quelque chose d'une place qu'on attribue aux jeunes filles dans la société française du 19e et du 20e siècle qui fait que quand elles ne respectent pas cette place et l'image qu'on attend d'elles, on va très vite les désigner comme des déviantes et des délinquantes et parfois des criminelles. Monstrueuse, c'est vrai que c'est un mot qui revient, Frédéric Lavignette. Oui, d'ailleurs, je voulais dire que le cas de Germaine Berton remplit un peu toutes les cases de votre titre. Vagabonde, alors, voleuse, vicieuse. Voilà, alors selon d'où on se place, hein, si on parle depuis la police ou depuis les constats, les enquêtes menées par la presse, vagabonde, elle l'a été parce qu'elle a toujours été en quête de logement, elle se faisait héberger à droite à gauche par ses amis, évidemment parce qu'elle n'avait pas de ressources. Aussi, elle était en quête d'emploi pour justement se trouver ces fameuses ressources. Et comme elle était en quête d'argent, elle allait frapper à toutes les portes qui pouvaient lui en donner. Elle allait aussi bien chez les petites sœurs des pauvres que chez les œuvres protestantes. Parfois, elle demandait à des collègues, évidemment, cet argent, elle ne le rendait pas. Pour ce qui est du cas du vol, elle a volé quelques-uns de ses camarades. Par exemple, lorsqu'elle était hébergée chez des anarchistes, certains voyaient disparaître de leur portefeuille pendant la nuit quelques billets. Elle a été employée aussi au journal Le Libertaire, au service des abonnements, enfin dans l'administration, et les mandats qui étaient reçus au journal disparaissaient. Donc il y avait toujours des motifs de survie qu'elle exploitait. Et puis le vice, comme on l'a évoqué, c'était l'Action française surtout qui le mettait en avant avec ses fameuses coucheries. Énormément, et c'est vrai qu'elle a couché avec des anarchistes. Et puis on ne peut pas rentrer dans toutes les péripéties de ce fait divers qui est absolument incroyable. Hein, parce que c'est ce que vous étudiez, hein, Frédéric Lavignette, à travers la presse, mais enfin bon, elle a une relation avec le fils de celui qu'elle voulait tuer, Léon Daudet. C'est quelque chose de fou. Elle a eu une relation. Il y a eu un contact. Après, elle a peut-être un peu extrapolé sa relation qu'elle dit avoir été sentimentale et même amoureuse. Ni les royalistes, ça ce n'est pas étonnant, ne croient cette version. Et ses amis anarchistes doutent un peu qu'elle ait été finalement l'amante de Philippe Daudet. Juste pour une question de date et d'incompatibilité de date et de calendrier. Alors, faut rappeler, malgré tout, parce que nous dressons un portrait très sombre à travers ce qui a été dit au procès de Germaine Berton et plus globalement de ces jeunes filles qui sortent du cadre que la société voudrait leur imposer. Malgré tout, il y a des gens qui les défendent. Faut le rappeler que lors du procès, beaucoup de gens viennent déposer en faveur de Germaine Berton. Alors, beaucoup de gens... Il y en a. Disons qu'il y a beaucoup de gens qui vont commencer juste après le crime à défendre Germaine Berton. Et ces gens-là se situent essentiellement et en priorité chez les anarchistes. Ensuite, les communistes, tendance bolchevique, vont s'y mettre. Et peu à peu, cette défense va se désenclaver et atteindre la gauche un peu plus modérée, un peu plus radicale. Mais cette défense va évoluer vers plutôt va se transformer. On ne va plus vraiment défendre Germaine Berton, mais on va accabler l'Action française qu'elle a voulu viser. Et c'est plutôt ce basculement qui va s'opérer. Et puis c'est efficace puisque la défense aboutit à ce qu'elle voulait. Et comment se termine ce procès? Dites-le nous, Frédéric Lavignette. Ce procès qui va durer 6 audiences va se terminer par et ça, c'est grâce à la prouesse de Maître Torres, qui est son avocat. Il va faire défiler, il va faire citer 70 témoins au procès. qui ne vont pas forcément défendre Germaine Bertrand, mais qui vont accabler l'Action française, en démontrant que c'est un parti violent, que son service d'ordre représenté par les camelots sont des gens extrêmement brutaux. Et tous ces gens-là, tous ces éclopés, comme dira la partie adverse, tous ces éclopés vont défiler à la barre. Et la prouesse de Maître Henri Torres, donc, a été qu'il a permis d'influencer le jury, et par 8 voix contre 4, ils vont acquitter Germaine Bertrand le soir de Noël 1923. C'est un destin, il faut le dire, Germaine Bertrand, c'est quelque chose qui est en marge, dans le sens où nous sommes dans le fait divers et complètement fascinant. Elle a essayé de tuer Léon Daudet, elle s'est trompée de personne, elle n'a pas trouvé Léon Daudet, elle en tue un autre qui représente les camelots du roi. Et ben, c'est ce que vous expliquez, mais à travers elle, nous voyons ce que sont ces adolescentes du XXe siècle. Et je vais vous proposer une autre lecture, un autre regard sur ces adolescentes. C'est celui que nous propose Milena Hellig, qui réalise également l'émission Le cours de l'histoire sur France Culture, avec aujourd'hui à la technique Sylvain Latu. Milena s'est emparée d'archives, s'est emparée de films, et elle nous offre un bricolage sonore et magique autour de la figure de l'adolescente. Adolescent. L'oreille. Il n'y a pas de moment, sans doute, qui soit considéré comme plus important que la puberté. On y voit la fin de l'enfance et le passage à l'état d'homme. Qu'est-ce qu'est l'adolescence ? C'est inexplicable, l'adolescence. On peut expliquer les adultes et on peut expliquer les enfants. Mais l'adolescence, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Un adolescent, c'est un garçon ou une fille qui n'est plus un enfant et qui fait son apprentissage d'adulte. Tu as resté toujours tout seul dans ton coin, toi. C'est aux environs de la 12e année qu'il s'engage sur ce chemin tout nouveau. Si tout va bien, il aura terminé de le parcourir vers l'âge de 20 ans. Allez, dis-le à tata, tu auras deux gros caramels. Qu'est-ce que j'en ferai de tes caramels ? J'aime plus. Oh, alors c'est bien ça, tu n'aimes plus rien. Alors, c'est la panique sur les boulevards. Quand on arrive en ville. Moi, je compte pas arriver à la quarantaine. Je serais déjà mort avant. Ils réclament, en somme, qu'on les prenne pour autre chose que ce que l'on veut bien dire d'eux. Ça fait du bien de frapper. Ouais, ouais. Tu frappes contre qui quand tu cognes quelqu'un ? Tout le monde. Femmes, gosses, en... et les hommes. Non, mais c'est eux que tu frappes ou c'est quelque chose d'autre ? Bon, c'est tous des cons pour moi, à part mes potes, quand même, bien sûr. Quand on arrive en ville. Shakespeare le disait aussi, c'est un temps où la jeunesse est explosive et dangereuse, difficile. Bon, mais il faut bien en passer par là. Je la voyais, c'était sa belle. Je suis arrivée avec un stylo et j'ai planté dans le dos, 10 fois. Et je vous jure, un stylo, ça plante. Comportement bas, ouais. J'ai dit comportement bas, ouais. Je suis dans mon comportement bas, ouais. J'ai dit comportement bas, ouais. Les mecs ont bombé le torse, ah ouais. J'ai dit comportement bas, ouais. Les poches remplies d'oseille, ah ouais. J'ai dit comportement bas, ouais. Comportement bas, ouais. C'est un bricolage magique et sonore réalisé par Milena Hellig pour évoquer ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, ces adolescentes rebelles et surtout le regard porté sur cette période. L'adolescence est un moment de la vie, mais surtout sur ce sexe, celui des jeunes femmes, un regard très particulier qui construit lui-même le genre et les inégalités. C'est ce que vous étudiez, Véronique Blanchard, et dans vos archives, celles que vous avez vraiment dépouillées, vous avez trouvé cette parole de la jeunesse. Quelle est-elle ? Comment ça se construisait, en fait, ces dossiers autour des vagabondes, voleuses, vicieuses ? C'est le titre de votre livre. Alors ces dossiers, ils émanent, comme je l'ai dit tout à l'heure, du tribunal pour enfants de la Seine. Ils émanent du travail des juges des enfants qui naissent en France en 1945. Donc dans les années 50, c'est un métier, un travail très très neuf. Et ces juges des enfants vont avoir pour mission, dans le cadre de cette fameuse ordonnance de 1945 qui installe la justice des enfants en France, ces juges des enfants vont avoir pour mission de juger les adolescents et les adolescentes, hein, tous les enfants qui ont moins de 18 ou de 21 ans, selon les faits qu'on leur reproche. Donc, ils ont pour mission de juger ces enfants avec l'optique de les éduquer, de les comprendre et de savoir pourquoi ils ont commis les faits ou les comportements qu'on leur reproche. Comme il faut qu'ils comprennent, ils compilent beaucoup d'informations. Ils vont demander aux assistantes sociales, aux psychologues, aux psychiatres, aux éducateurs, aux éducatrices de compiler, de réunir un maximum d'informations qui leur permet de comprendre, d'évaluer la situation des jeunes adolescents et adolescentes qu'ils ont en face d'eux. Et du coup, ces dossiers des juges des enfants regorgent d'informations. On a beaucoup, beaucoup d'éléments sur la vie des jeunes filles, puisque moi j'ai essentiellement travaillé sur les jeunes filles, sur la vie des jeunes filles, sur la vie de leur famille, sur leur vie à l'extérieur, sur leur scolarité, sur leur psychisme, sur leur comportement, etc., etc. On a aussi les petites annotations du juge des enfants, on a les petits mots. Il n'y a pas de post-it à l'époque, mais ça y ressemble. Donc, ils appellent des institutions, ils notent dans la marge ce que l'institution dit. On a les courriers confisqués, on a les courriers des parents, et on a comme ça une somme de mots avec très souvent le mot, les mots, les paroles des jeunes filles qui essayent de se défendre, qui essayent de s'expliquer et qui aujourd'hui nous permettent de mieux comprendre ce qu'elles étaient et ce qu'elles vivaient. Pour illustrer vos propos, Véronique Blanchard, je vous propose d'écouter le témoignage de Luce. Donc Luce est une des jeunes filles que vous avez croisées pendant vos recherches et le témoignage de Luce nous est lu aujourd'hui par Camille André. Faire mon portrait. Il est bien difficile de faire son portrait soi-même, car on a toujours tendance à l'embellir. Non, mais je vais être franche, ça n'arrive pas souvent. Physiquement, voyons, prenons un miroir et regardons-nous. Ce n'est pas bien beau, enfin, je suis comme je suis. Dans l'ensemble, pas désagréable à regarder, tout normal. Sans être une jeune fille parfaite, je suis très gaie de caractère. Ce serait malheureux à mon âge. Quoique, quelquefois lunatique. Comme grand défaut, oh là là, je voudrais vous le cacher. Mais enfin, disons ce qui est, mais c'est un secret entre nous. Je suis quelquefois une fiefée menteuse, qui tient tête froidement, même quand on me démontre la vérité. Avouez que ce n'est pas bien beau pour une jeune fille si charmante. Oh là là. Mes chevilles. À part cela, moi, je suis gaie, spirituelle, assez intelligente. C'est ce que l'on me dit en classe. Et je n'ai plus de place. Apportez-moi une autre feuille, s'il vous plaît. Camille André qui nous lit le témoignage de Luce, qui est une des jeunes filles que vous avez croisées pendant vos recherches, Véronique Blanchard. Luce, qu'a-t-elle fait pour se retrouver comme ça, sous les feux de l'autorité ? Luce, elle a 18 ans, elle s'appelle pas Luce, hein, bien sûr, j'ai changé tous les prénoms, et elle ne respecte pas, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les règles qu'on lui impose, donc elle va fuguer plusieurs fois de chez elle, elle souhaite faire la fête, elle souhaite sortir, et ses parents ne vont pas le supporter, et ça va partir. Ça va être de plus en plus compliqué pour elle jusqu'au moment où elle va être placée dans plusieurs institutions. Et là, quand elle écrit ce portrait, elle est au centre d'observation de Chevilly-Larue où on lui demande d'écrire son portrait. Ce qui a ensuite une archive absolument merveilleuse pour nous puisqu'elle raconte très très bien ce que c'est qu'être une jeune fille de 18 ans dans le Paris des années 50. Et dans la construction que l'institution propose pour aller s'occuper de la vie de ces jeunes filles, nous sentons qu'il y a la volonté de tout contrôler. Il y a ce désir, on pourrait évoquer évidemment Michel Foucault, cette biopolitique, cette volonté de saisir l'ensemble de la société jusqu'à l'intime. Et en l'occurrence, pour cette jeune fille, c'est aussi saisir l'intime quand on lui demande de rédiger son portrait. Ah oui, on est vraiment dans une avec l'imaginaire et la volonté de cette justice des enfants, de comprendre les adolescents pour mieux les traiter, ce sont les termes de l'époque, on se rend compte que c'est une machine à observer qui se met en place et une machine à contrôler et une machine extrêmement normative. Donc, parce que on souhaite comprendre les enfants, on va les exposer et les disséquer d'une manière extrêmement marquante pour nous aujourd'hui. Bien justement, nous allons écouter ce que dit l'institution de Luce, donc c'est pas son vrai prénom, mais c'est de cette jeune fille que vous avez étudiée, dans un rapport éducatif qui est transmis au juge pour enfants et qui nous est lu aujourd'hui dans le cours de l'histoire par Romain de Bec de Lièvre. « Luce attire l'attention de toutes les voitures avec une audace gênante pour tout le monde. Elle vole des gâteaux, de la confiture. Elle est prête à toutes les bassesses, toutes les hypocrisies, toutes les rosseries. Elle est dans toutes les histoires. Fille égoïste, au sens moral élastique, sans noblesse ni dignité. Comportement fuyant, comme la teinte de ses yeux. Elle se tire de toutes les situations par son aplomb et son bas-goût. Luce est froide. Elle est plus intellectuelle que sensible. Toutes ses forces tendent à servir son moi et son plaisir. Et, comme elle n'a aucune morale, elle tombe immanquablement dans la facilité. Elle est finalement plus dangereuse qu'on ne pourrait le croire à première vue, car elle est très adroite. Romain de Bec de Lièvre qui nous lisait un rapport éducatif transmis au juge pour enfants à propos de cette jeune fille, Luce. Nous sommes dans les années 1900... Milieu des années 50. Milieu des années 50. Et ce qui est intéressant à entendre, bon, au-delà de ces crimes absolument terribles, ces bassesses, ces vols de gâteaux et de confitures, il y a comme une liste que nous retrouvons quand nous avons évoqué tout à l'heure Germaine Berton dans les années 1920. Il y avait aussi cette volonté de lister, en fait, comme un procès à charge. On ne peut plus en mettre tellement déjà tout est dit. Elle manque de noblesse, de dignité. Oui, alors ce qu'il faut souligner peut-être aussi, c'est la question que vous avez évoquée tout à l'heure du genre, c'est-à-dire qu'on ne parle pas, là c'est un psychiatre qui écrit, on n'écrit pas, on ne parle pas des jeunes filles comme des garçons et on utilise des mots qui sont très caractéristiques de ce qu'on pense être déviant du côté des filles. La moralité, la débauche, la mythomanie, tout à l'heure la paresse, ce sont des mots très répétitifs dans les rapports éducatifs et expertales de l'époque et qui montrent que le regard, vous avez beaucoup appuyé sur ce mot, le regard est très différent quand on parle de jeunes filles déviantes et quand on parle de garçons déviants. Et là, il y a vraiment une perception en termes d'analyse de genre. Il y a vraiment une justice qui devrait être la même pour les filles et pour les garçons et qui pourtant n'est pas la même parce que la façon de regarder ces jeunes filles n'est pas la même. L'autre chose, c'est qu'il y a un très très fort décalage entre ce que Luce raconte d'elle-même et ce que l'institution voit de cette jeune fille, et on voit que c'est quelque chose à charge. La justice des enfants se veut objective, veut essayer de comprendre l'enfant pour le juger ensuite, et pourtant, et en particulier pour les filles, elle ne voit que les difficultés, que les problèmes des jeunes filles, et on a comme ça une sorte d'inventaire à la Prévert terrifiant qui montre toutes les raisons pour lesquelles ces jeunes filles ne seront jamais rééducables. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Ce regard genré que porte la justice pour enfants sur ces jeunes filles est en écho, en fait, au regard de la société globalement. Le garçon est bagarreur, la jeune fille est un peu vicieuse. C'est vrai que cela s'étend, alors je ne sais pas si c'est l'institution qui a un effet sur la société ou la société sur l'institution, mais je pense que c'est l'image dominante de la société qui s'infuse partout. Bien sûr, bien sûr. La justice n'est là que un représentant, une représentante de ce qui se pense et s'organise dans la société. Le regard, c'est un regard familial, un regard social et un regard judiciaire, bien sûr. Véronique Blanchard, je vous propose d'écouter un témoignage de quelqu'un que vous connaissez bien, parce que c'est Albertine Sarrazin. Vous allez nous la présenter. C'était en octobre 1965 et elle discutait avec Jean-Pierre Elkabbach. Vous avez été une enfant facile ou au contraire difficile? Oh, très très difficile, très indisciplinée, enfin, m'évadant de partout. Tant et si bien qu'à 15 ans, on m'a fait enfermer pour avoir la paix. 7 ans exactement. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 ans? Il y a d'abord eu 2 ans de prévention à Fresnes. Et puis après les assises, j'ai été transférée en maison centrale, dont je me suis évadée au bout d'un an et demi. La cavale, qu'est-ce que c'est? La cavale, c'est l'évasion. C'est aussi dans le livre un tas d'autres choses. Enfin, l'évasion toute matérielle du début, il devient vers la fin vraiment un personnage, une espèce de monture, de sale bête. Est-ce que la liberté, vous la symbolisiez par quelque chose de particulier? Dormir. Dormir. C'est formidable parce qu'on est fatigué. Dans une vie où on ne fait pratiquement rien, où on ne marche pas, où on est enfermé toute la journée, on n'a qu'une idée en sortant, c'est de dormir, de se reposer. On est fatigué. C'est très curieux. C'est très curieux. Les adolescents, vraiment, ils dorment tout le temps. C'est le témoignage d'Albertine Sarrazin qui discutait en 1965 avec Jean-Pierre Elkabbach. Dites-nous, Véronique Blanchard, déjà, qui est Albertine Sarrazin? Albertine Sarrazin, c'est d'abord une très grande écrivaine. Albertine Sarrazin, c'est une rebelle. Albertine Sarrazin, c'est une révoltée. Albertine Sarrazin, c'est une jeune fille adoptée par des parents assez âgés qui va avoir beaucoup de mal dans son enfance avec ses parents, avec son éducation, qui est extrêmement intelligente, qui écrit tout le temps et qui va devenir effectivement une incorrigible, placée par ses parents adoptifs dans un bon pasteur, dont je parle beaucoup dans mon livre. Elle a à peine 15 ans, comme elle le dit là, dans le cadre de la correction paternelle, c'est-à-dire ce droit des parents à l'époque, s'ils ont de graves mécontentements, de placer leur enfant, et ça arrivera à beaucoup de jeunes filles. Elle est placée dans un bon pasteur, elle ne le supporte pas, elle fugue le jour des épreuves du bac, ce qui est très rare à l'époque pour une jeune fille du bon pasteur, de passer son bac. Elle cavale jusqu'à Paris, elle vit les 400 coups, réellement. Elle va à la fois se prostituer, faire la fête, aller dans les caves de Saint-Germain. Elle va retrouver une de ses amantes du bon pasteur et elles vont cambrioler, enfin faire un hold-up dans un magasin. Elles vont être rattrapées, enfermée, et là la vie d'Albertine va être une vie de l'enfermement, de l'incarcération pendant très longues années. Je passe parce que c'est un peu long, et puis elle va finir par se poser, et avant de dormir elle va écrire, elle va témoigner, et ses livres vont avoir un succès phénoménal. Le premier, c'est l'Astragale, qu'elle va se casser, le petit os du pied qu'elle va se casser en s'évadant, et puis le deuxième, c'est La Cavale. Et cette interview, c'est 2 ans avant sa mort, puisqu'elle meurt à 30 ans d'une mauvaise anesthésie. Et donc, elle est morte avant 30 ans, Albertine. C'est un peu ce que nous vivons à travers vos deux travaux. Donc, vous, Frédéric Lavignette, sur Germaine Berton, une anarchiste qui passe à l'action, c'est dans les années 1920. Et vous, toutes ces vagabondes, voleuses, vicieuses, Véronique Blanchard, que vous étudiez, c'est à la fois des destins très personnels et qui sont toujours touchants. Et surtout, quelque chose qui montre ce dont nous sommes peut-être encore victimes, ce regard très dur de la société. À quel moment, Véronique Blanchard, vous sentez une rupture, ça commence à aller mieux et qu'on regarde les jeunes filles d'une manière un peu plus positive? Vous avez le droit de dire ça n'a pas changé. Je suis tentée, mais je ne le ferai pas. La rupture, c'est les années 1970, mais attention, attention, c'est pas tant une rupture qu'un début d'évolution. Et aujourd'hui, quand on travaille avec la justice des enfants, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses du côté d'une différence de genre. Merci beaucoup à vous deux, Frédéric Lavignette et Véronique Blanchard. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire sur France Culture, de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'Histoire, une exposition outre-Manche, l'histoire des femmes. Ça tombe bien, c'est le sujet du jour à Cambridge. À Cambridge, on croise beaucoup de vieux messieurs très soucieux des suites du Brexit et de l'éventuelle traversée du coronavirus jusqu'aux îles britanniques. On croise aussi de nombreux étudiants et étudiantes. J'ai attrapé un peu froid à Cambridge. Ben oui, c'est le problème, Cambridge, il fait pas si chaud que ça. Ces étudiants et étudiantes vaquant à leur vie d'étudiant, à pied ou en vélo, sous la pluie torrentielle de saison, d'où le chat dans la gorge. Un décor douillet qui vous ferait reprendre des études d'air chef et une mixité qui fait envie entre les pelouses innombrables qui émaillent l'endroit. Pourtant, c'est bien ici qu'a ouvert une exposition sur l'histoire houleuse et douloureuse de l'accès des femmes à ce temple de la connaissance. The Rising Tide, Women at Cambridge, je vous le traduis mais c'est moins efficace en français, la marée montante, les femmes à Cambridge, relate cette présence féminine et sa contestation, oui, depuis le 19e siècle. Here we are at Senate House. This is the heart of Cambridge University. And it was here in 1948 that the first woman was given a degree by the university. It went to the Queen Mother. Now that was a historic day. It was a day of massive celebration, but it was also a bittersweet day. And to understand why, we're going to go back to 1869. Le chemin a été long et semé d'embûches pour celles qui ont voulu pénétrer l'université de Cambridge. Les premières femmes sont accueillies en cours en 1869, mais sans avoir le droit d'y être diplômées. Comment une femme pourrait-elle prétendre à se faire reconnaître officiellement une quelconque compétence intellectuelle, et à quoi bon? C'est ainsi jusqu'à la fin des années 40. Cambridge sera la dernière université à accepter de diplômer ses étudiantes. La question se fait pourtant brûlante. En 1897, la proposition d'accorder ces degrés aux femmes déclenche une manifestation d'une agressivité étonnante de la part des étudiants masculins de première année. La jeunesse n'est pas toujours progressiste. Des douzaines d'œufs et de pétards accompagnent la mâle protestation contre ce qu'ils considèrent comme un scandale, c'est-à-dire l'égalité des étudiants et des étudiantes. Il était alors hors de question de leur accorder des diplômes et tout simplement de les accueillir dans la société étudiante sans chaperon et sans permission d'assister aux cours délivrés selon le bon vouloir du professeur en chaire. Une permission préalable était également requise pour accéder à la bibliothèque où sont disposés aujourd'hui les photos et les objets, les fameux feux d'artifice vindicatifs de 1897 notamment, qui composent cette exposition. For weeks past, the university town had been plastered with posters drawing attention to the fact that the vote was taking place, whipping up public interest. And so, as the crowd gathered out here, students from Caius College there began pelting the crowds below with confetti and eggshells. As the vote was taking place itself, fireworks were lobbed at the dons who were voting. Les diplômes n'existent donc pas jusqu'en 1948 pour les femmes qui trouvent malgré tout le moyen d'en obtenir au Trinity College de Dublin. C'est un peu loin. La première femme diplômée de Cambridge, c'est la reine Elizabeth, qui n'avait pourtant pas usé ses fonds de culotte sur ses bancs. Un honneur royal peut-être, mais un petit coup de canif bien senti à la valeur de ces diplômes si chèrement gagnés par toutes les autres femmes qui, elles, y avaient étudié sans reconnaissance depuis 80 ans. L'élection récente et inédite de femmes, dames Sally Davis et Sonita Allen, respectivement à la direction de Trinity College et de Jesus College, n'est probablement pas tout à fait étrangère à l'organisation de cette exposition qui valorise de nombreux parcours féminins à Cambridge, histoire d'en finir avec le souvenir de cette manifestation de 1897 et de ces pétards discriminatoires. Merci Anaïs. Et cette exposition, The Rising Tide, les femmes à Cambridge, est ouverte jusqu'au 21 mars, pour ceux qui passeraient par là-bas, Cambridge, tandis que le journal de l'histoire, lui, est accessible tous les jours de l'année sur notre site franceculture.fr. Demain, dans le cours de l'histoire, femmes combattantes, révolte féminine dans le monde arabe. Et oui, c'est pour clore notre semaine sur les femmes révoltées, une histoire à réinventer. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Camille André, Aurore Juvenel, avec à la programmation Amélie Perrault. Des émissions que vous pouvez réécouter sur le site internet, le cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en balado-diffusion, c'est le podcast. Et puis vous pouvez les commenter sur notre groupe Facebook, le cours de l'histoire.